met de l'espace. Comme ça, ils ont chacun leur vie. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Par exemple, ce week-end ou pendant les vacances de la Toussaint, vous allez faire quoi? Pendant les vacances de la Toussaint, j'aime bien les petites balades dans les bois. Et quand le temps s'y prête encore, pourquoi pas une petite balade dans les bois. Cueillir des champignons, tout ça. Pour s'aérer un petit peu. Et je tiens à dire que vous avez une passion commune avec Justine et vous la pratiquez de la même manière. Je le vois sur votre petite fiche auditeur, car nous avons une petite fiche auditeur. Vous aimez, ma chère Stéphanie, le chant, mais vous chantez mal, exactement comme Justine Salmon. Mais c'est faux! Mais moi, j'aime m'entendre chanter, moi. C'est les autres qui n'aiment pas. C'est exactement pareil ici. Donc, je le redis avec beaucoup d'amour. C'est la même chose pour ma Juju. Moi, je ne pense pas que je chante mal. Différemment. C'est exactement ce que nous disons. Allez, on y va pour la banque. Attention au coffre vide. Une minute pour jouer. Peut-être 10 000 euros des vacances au parc Astérix. Top chrono. Coffre 1. Un stylo 4 couleurs. Bravo. Sympa. Oh, on passe. Coffre 2. Un séjour avec la compagnie aérienne Level. Deux billets d'avion, hébergement, trois nuits pour New York, pour Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends. Il y a peut-être 2000, 3000, 4000, 10 000. Non, je prends. C'est pas grave, je prends. Je crois que c'est bon. Génial. Évidemment, c'est la musique pour parler de New York, mais j'ai rien compris. Vous choisirez Fort-de-France, Pointe-à-Pitre ou New York. Bravo. Super, merci génial. À vous deux, c'est trop génial. Merci RTL 2 et à la compagnie aérienne Level. Et vous nous enverrez une carte postale. Il n'y a pas de soucis. Et s'il n'y a pas de carte postale, une petite photo sur les réseaux sociaux, ça marche. J'aime bien les afficher dans le bureau. D'accord. Il n'y a plus d'espace. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? C'est trop tard, Jérémy, il est déjà parti. Très bien. On va quand même vous poser. Je t'en prie, on est en retard. On vous fait un gros bisou. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Stéphanie? Un double expresso. Et bon voyage. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh, no. I know I've done wrong, I'll pay for it. Your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me, say that. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Banks. Unknown dans le double expresso RTL2. Son premier album Village sortira prochainement le 2 novembre. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Alors voilà, on est professionnel jusqu'à 8h56. Tout se passe bien. Carole Vega arrive en avance et elle pousse au micro. Mais on a des micros sensibles. Bonjour Carole. Ça va Carole? Bon, on va écouter le top 3 de Jonathan quand même. Oui, avec plaisir. Ou alors on est tous ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Non, non, moi je préfère rigoler avec Jonathan. Vas-y. Jonathan qui est au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris, du côté de République, tous les dimanches à 18h30. Et tu seras à Lille également prochainement. Et oui, les 9 et 10 novembre, 19h30, au Spotlight de Lille. Voilà, c'est vendredi soir, samedi soir. Donc venez, amis du voir. Nord. Moi j'ai vu Jonathan sur scène, vraiment, et c'est super sympa. En plus, elle nous tue les timings. Bon, bah, c'est impeccable. On s'en fout, c'est moi qui suis derrière, de toute façon. On y va pour le top 3. Une info fast-food en file au Japon. McDonald's vend des frites à la carbonara. 3 euros la portion au Japon. Pas mal, je sais pas. On aurait pas dû les provoquer avec les sushis au foie gras. C'est la revanche du Japon. Attends, excusez-moi, pardon pour le timing, mais on a créé une grosse excitation mais à la droite. Moi, ça me donne un peu envie. Je suis un peu pareil. Sushis au foie gras, non, mais frites à la carbo, pourquoi pas d'accord. Frites carbonara, ça va pas être mauvais. Mais vous êtes des malades. Pourquoi? Non, mais 12 000 calories la bouchée. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que t'es en On va débattre sur une info expresso. On m'appelle Jean-Michel Quinoa. J'ai pas de problème. Allez, on part du Japon, on file dans les Hauts-de-France. Un automobiliste a percuté la façade d'une friterie à Ferrières-la-Grande, voilà, qui est désormais menacée de s'écrouler. Oh non. Et on lui a dit que les frites à la carbonara, c'était qu'au Japon. Ça l'a énervé. Voilà. Justine aurait pu faire ça. Bim, en trottinette. Et on termine à Bobigny. Les policiers ont arrêté un voleur de téléphone qui n'avait que 10 ans. Et il avait aussi une bombe lacrymogène sur lui. C'est pas sérieux. On sent quand même que c'est un enfant qui sait pas encore quel métier il va faire plus tard. Voleur, CRS, il hésite encore. Il est tenté. Merci Jonathan. Allez le voir sur scène, vraiment, n'hésitez pas et écoutez-le tous les matins. 6h55, 8h55. Bon là il est 8h58, il y a Christine and the Queens qui arrive. Carole Vega arrive vers midi, à tout de suite sur RTL2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Intermarché vous propose d'écouter 3,50€. Jeanne. Non, jaune. Jeanne. Non, jaune. Jusqu'au 4 novembre, chez Intermarché, le pack de 16 yaourts aux fruits, jaune. Jeanne. Panier de Yoplait est à seulement 3,50€, avec en plus 30% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 16 fois 125 grammes, soit 1,75€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et si on profitait de 50 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 50 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux. Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 50 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore! Ouais, bah, moi, j'adore encore plus que toi. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Jusqu'au 14 novembre, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant le numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr, réseau numéro 1 selon locataire 7 octobre 2018. Et en ce moment, vous avez 3 ans de garantie offert sur toute une sélection de Citroën C3 et SUV Citroën C3 Aircross d'occasion. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez dit occasion, vous avez dû vous tromper. Si, si, d'occasion. Chez Citroën Select, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Pendant les 10 jours de l'occasion, profitez de 3 ans de garantie offert sur toute une sélection de Citroën C3 et SUV Citroën C3 Aircross. Citroën. Offre valable sur Citroën C3 et C3 Aircross d'occasion en stock, moins de 36 mois et 30 000 km au jour de la commande. Charolais.